Bienvenue à Aucun outil requis. Je m'appelle Jean-Philippe Charbonneau et au cours de l'année scolaire 2012-2013, François-Olivier Marchand et moi nous sommes partagés la co-animation de l'émission matinale Assemblage requis avec Mathieu Plante. Aucun outil requis est l'occasion pour nous de retourner en arrière afin de vous permettre d'entendre des chroniques que vous avez peut-être manquées. À chaque fois qu'on se rencontre, on choisit un sujet ou un chroniqueur qui sera en vedette pour l'heure au complet. Dans cet épisode, on se concentre sur Michel Lebrun et ses chroniques juridiques et judiciaires panier à salade. Au menu de cette salade du chef Lebrun, des lois, des plaidoyers, des peines de mort et plein d'autres termes juridiques utilisés de façon très divertissante. Bonne émission! Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture. Faut essayer, on comprend. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain. Toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Oui, papa. Oui, papa. Formidable. Génial. Et quelle trouvaille. Moi, je ne connaissais pas ça, puis les Français non plus, on est trop jeunes. Non. Ah, ben, je suis content d'avoir aidé à élever le niveau culturel de la jeunesse, de la jeunesse de plus vieille. On se sent plus intelligent maintenant. Michel Lebrun, voici son panier à salade. Michel Lebrun, chronique juridique, judiciaire, justice et compagnie. Ça va être intéressant, j'en suis certain. On va parler de délation aujourd'hui. Eh oui, parce que surtout parce que je cherchais un mot en J, puis j'ai trouvé Judas. Mais c'est vrai, comme dans c'est quoi le livre avec les pages là, mince, là, comment on appelle ça? Le livre qu'on met la main dessus en cours. Ouais. Je suis trop jeune pour ça. Comment ça? Babel. Ça remonte à avant le bon marché. Dans le temps du en tout cas. Donc ou la Bible. C'est ça. Ouais. J'ai trouvé le mot en fait. Oui, effectivement. C'est un concept, la délation, vous voyez, qui c'est peut-être à cause justement de notre influence religieuse, dans la population ou chez les gens, l'idée de dénoncer ou de délater, stouler, en fait. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés qui sont rarement des mots qui sont. Favorables ou qui sont des qualités qui sont positives. Pas de panier, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ça remonte peut-être à l'époque biblique où, dans le fond, toute la religion chrétienne était fondée un peu sur un événement de délation où, pour un peu d'argent, Judas vend le Jésus, d'ailleurs un autre mot en J. qu'on utilise rarement, nous. Oui, c'est ça. Et puis, vous voyez, ce qui nous choque dans cette délation-là, c'est pas tant que la personne qui s'était fait dénoncer n'était pas nécessairement coupable, parce qu'au sens peut-être de la loi de l'époque, ce qu'il faisait, c'était un peu contre la religion du temps. Donc, on dénonçait quelque chose qui était vrai, là, dans un certain sens, en disant mais on dit un ami qui participe à la commission, en fait, de cette infraction-là, ou qui fait partie du mouvement auquel adhérait cette personne-là, qui, pour un peu d'argent, décide de le dénoncer, ça finit par nous choquer, même lorsque... puis là, je fais pas de jugement de valeur sur ce qui s'est passé à cette époque-là, mais ce qui se passe aujourd'hui. Même lorsqu'on dénonce quelqu'un avec qui on a commis une infraction, un crime, ça a une drôle d'image pour les gens. Puis d'ailleurs, je suis même allé... voulant parler de ça, je suis allé sur YouTube et puis... pas YouTube, c'est-à-dire sur Internet et sur Wikipédia, qui est la référence maintenant lorsqu'on cherche quelque chose. C'est souvent la première chose qui nous apparaît lorsqu'on on met sur Google un mot comme délation. Et ce que j'ai vu sur Wikipédia, on disait ceci: la délation est une dénonciation méprisable et honteuse. Elle consiste à fournir des informations concernant un individu, en général à l'insu de ce dernier, souvent inspirée par un motif contraire à la morale ou à l'éthique, et donc honteuse. Donc, la définition de base de la délation, c'est honteux. Par contre, je constate qu'aujourd'hui, il y a quand même une resurgence où on revoit et on donne une nouvelle image, je vous dirais, à la délation. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais je voyais dans le journal, c'était une dépêche de la presse canadienne qui date du 30 octobre 2012. Vous savez, il y a la commission Charbonneau, il y a la corruption, il y a toutes ces choses-là au niveau... Oui, tout le monde vide son sac, là. Tout le monde, parce qu'ils peuvent se sauver, en fait, des... des accusations qui peuvent être portées dans le sens... Ben oui, c'est ça. Ben, je voyais une nouvelle qui disait ceci. Le DGE, donc le directeur général des élections, lance un appel aux délateurs. Donc ça, c'est... Venez-vous-en, les délateurs, si vous avez vu des choses. Et donc, on essaie de donner une image positive à ce concept-là de délation. On a vu d'ailleurs... à la commission Charbonneau, des gens qui sont allés vider leur sac, comme tu dis, François. Ces gens-là ont même été reçus dans des émissions de variété, comme tout le monde en parle, des ovations debout, des choses comme ça. Et on passe un peu sous silence les motivations réelles de ces personnes-là. Parce que c'est très rare que des gens... Il y a eu des gens dans les années 70 qui dénonçaient des scandales au gouvernement, comme le Watergate aux États-Unis ou des choses comme ça, qui étaient des gens qui... semblait animé là, de soucis de la justice. Mais ce qu'on voit... Mais c'est pas ça, là. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est pas ça. C'est des gens qui ont participé... C'est qu'ils veulent s'en sauver, tout ça. Mais c'est ça. À un moment donné, ils se font prendre, et puis on a l'impression que quelqu'un trace une ligne à terre, puis leur dit, ben regarde, choisis ton côté, mais si tu acceptes de c'est vendre tes amis, ben ouais. Là, ben tu vas sûrement avoir des conséquences qui sont moindres. Et c'est un peu ce qu'on se doute qui se produit actuellement pour les gens qui s'en vont devant des commissions et tout ça. Ces gens-là ont été rencontrés avant, ils sont pas arrivés là par hasard un matin et puis ils ont dit « je vais vider mon sac ». Et c'est des gens qui, pendant des années, ont commis des crimes. Qui ont encaissé de l'argent, là. Qui ont encaissé pas mal d'argent, là, aussi. Là. Et en fait, toute l'idée derrière lorsque le gouvernement utilise la délation, il y a un côté, je dirais, un peu moralement questionnable dans le sens où... on prend deux criminels qui ont commis ou deux personnes qui ont commis les mêmes infractions et on donne un crédit à celui qui aura eu, en plus, je dirais, un peu l'odieux de dénoncer son ami, tout simplement. Là. Donc, c'est le premier arrivé au but qui s'en tire. Et puis, c'est des techniques qui existaient. Puis, ici, au Canada, on n'a quand même pas une historique très profonde de ça, mais pour les Européens, puis je lisais un peu sur Internet des choses qui se passaient en Europe, les Européens qui ont connu l'expérience du communisme, du nazisme et tout ça, bon, tous ces phénomènes-là de délation sont vus de façon très... C'est méprisé là, par la population. Okay. Alors que moralement inacceptable. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et ici, au Canada, ben, aux États-Unis, on a eu aussi la chasse aux sorcières dans le temps des années 50, le McCarthyisme, puis tout ça. Puis même Hollywood, qui était un peu ciblé, là, on disait c'était un repère de communistes dans les années 50, parce qu'on avait une peur un peu anormale ou un peu déréglée. Là. Il y avait le sénateur McCarthy dans les années 50 qui faisait une chasse aux communistes et tout le monde qui avait eu des pensées communistes était susceptible d'être un peu mis sur une liste noire à Hollywood et tout ça. Et il y a des gens qui... je pense que c'est Elia Kazan, mais qui était un grand metteur en scène, qui avait... lui dénoncer ses amis, ses collègues, les gens qui soupçonnaient d'être des communistes et qui a été par la suite lui-même, lorsqu'on a un peu réalisé que ça avait été trop loin, que ça avait été un peu ridicule toute cette chasse aux sorcières-là, ben lui s'est retrouvé un peu au banc de la société à Hollywood et il n'a pas réussi. Ça nuit finalement gravement à la carrière du délateur parce que... T'as plus confiance. Hein? C'est ça. Et puis, on a beau dire que la personne a commis quelque chose qui pouvait être illégal ou qui était contraire. Lorsqu'on a participé à des infractions et puis qu'on se retrouve à collaborer avec les autorités pour des raisons, tout simplement pour essayer de mieux s'en sortir ou peut-être pour de l'argent, ben ça cause des problèmes. Par contre, ici au Canada, j'ai lu récemment un livre sur un Canadien d'ailleurs qui s'appelle Alex Kane qui en a fait une profession. Lui, c'est un son livre s'appelle L'Infiltrateur. Cette personne-là a infiltré des groupes criminels à travers le Canada et les États-Unis. Il en a fait c'est un criminel. C'est un gars qui était à la base. Tu sais comment ça fonctionne. Il savait comment ça fonctionne et qui a développé un certain talent là, parce que c'est un gars qui se mélangeait bien avec... qui connaissait les us et coutumes un peu des gens criminels et qui a passé sa carrière, dans le fond, à infiltrer d'une région à l'autre, d'une année à l'autre, pour divers corps de police, les corps de police canadiens. Et je lisais ce livre-là, puis je me posais encore une fois... je me faisais un peu cette réflexion-là. Je me disais, comment quelqu'un peut créer des liens d'amitié avec des gens pendant des années de temps pour après, finalement, finir par les dénoncer? Puis... est-ce que c'est légitime vraiment pour le gouvernement de... d'avoir est-ce qu'il y a des limites à ça? Là? Et puis, il y a eu des cas où, vraiment, ça a été... l'abus de l'utilisation de ces informateurs-là, ça a créé des injustices très graves. Mais pourquoi, en fait, on a recours au délateur? Pourquoi, en fait, on pas qu'on en forme, mais on en engage? C'est pour... C'est pourquoi la question financière, en fait, ça coûte moins cher de faire la preuve? Oui, c'est ça. On prétend, et les tribunaux ont commencé à... non seulement tolérer ça, mais pratiquement l'encourager en disant, bon, c'est la seule façon, les autorités ont convaincu les tribunaux à la longue que c'était la façon, la seule façon, la meilleure façon de s'attaquer à des criminels qui autrement, on pourrait pas atteindre. Donc... Pourquoi? Pour avoir des images? Pour avoir savoir exactement ce qu'ils font? C'est ça. Il y a souvent, on parle de la loi du silence. Lorsqu'il y a des organisations criminelles, bon, ça a commencé avec la mafia aux États-Unis. Lorsqu'on peut... asseoir quelqu'un qui a participé aux activités de la mafia, qui va nous raconter ce qui s'est passé. Souvent, en théorie, c'est la seule façon, parce que c'est des gens qui sont très prudents. Ils parlent pas, on a beau les écouter, faire des écoutes électroniques ou utiliser toutes sortes de moyens d'enquête. Ces gens-là, on peut pas avoir autant d'informations que si une de ces personnes-là se met tout simplement à table. Donc, en théorie... On va avoir le meilleur des scénarios, on va avoir une histoire complète et on pourra accuser les bonnes personnes. C'est la théorie. Par contre, et c'était utilisé, à grande échelle, depuis qu'on s'attaque aux organisations criminelles, c'est utilisé à grande échelle, mais ça a toujours été utilisé, par exemple, je vous donne un exemple au Canada, ici, l'affaire Morin. Guy-Paul Morin, c'est quelqu'un qui était accusé d'avoir tué un enfant en Ontario. Et j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé des erreurs judiciaires. C'est quelqu'un qui était un genre de personnage un peu marginal, qui restait tout près de où la victime s'était fait enlever. Et puis les soupçons se sont vite retournés vers lui. Et on n'avait pas vraiment beaucoup de preuves. On a parlé de compatibilité entre des cheveux qui avaient été retrouvés sur le corps de la victime et des choses comme ça, mais c'était pas très fort. Et c'était pas de l'ADN, là. Non, c'est l'ADN, d'ailleurs, qui a permis de prouver, hors de tout doute, que c'était pas lui, la personne qui avait commis cet enlèvement-là, ce crime odieux, là. Mais lors de son premier procès, et ça, on voit, lorsqu'on a besoin de compléter une preuve, lorsqu'on est convaincu que quelqu'un est coupable, on a souvent recours où on cherche des gens qui peuvent dire, il me l'a avoué. Et dans le cas de Morin, on l'a emprisonné. Lorsqu'on l'a arrêté, on l'a emprisonné. Et à son procès, non pas un, mais deux co-détenus. Et Morin disait que c'est pas vrai, qu'il avait jamais fait ça. Mais il y avait deux co-détenus qui ont partagé des cellules avec lui, qui ont dit à la police, qui ont témoigné en cours pour dire que qu'il leur avait avoué, qu'il leur avait tout avoué, finalement. En échange, peut-être, d'une certaine clémence. Évidemment, il y a eu deux procès, ça, M. Morin. Lors du premier procès, ces personnes-là sont venues, ils étaient encore détenus, ils étaient encore accusés, je parle, de certains crimes. Et on a laissé entendre que... c'était probablement pour obtenir des avantages et que ça avait peu de crédibilité. C'est des gens qui avaient absolument aucune crédibilité, qui étaient des criminels endurcis, qui étaient des gens qui n'avaient pas de parole. Je dirais même dans le monde criminel, faire ce qu'ils faisaient, ça démontrait que c'était même pas... c'est pas bien vu. Il n'y avait même pas l'estime des criminels. Là. Et lors du premier procès, M. Morin avait été acquitté. Et lors du deuxième procès, ces gens-là, on les a libérés. Et l'histoire qui a ressorti à la cour, c'était que ces gens-là sont revenus raconter la même histoire et de leur plein gré, simplement parce qu'ils croyaient à la justice. Et là, on ne pouvait pas prouver qu'il y avait un avantage, vu qu'ils étaient, que leur sentence était complétée. Et M. Morin a été condamné cette fois-là. Et une couple d'années plus tard... À cause d'eux autres. Après avoir été en appel, on s'est rendu compte, par les tests ADN, que ce qu'on attribuait, les substances corporelles qu'on avait retrouvées et qu'on attribuait à M. Morin, venaient d'une autre personne, et on a prouvé hors de tout que c'était pas lui. Donc, ça a créé toute une commotion en Ontario, et il y a eu une commission d'enquête là-dessus, et là, on a dénoncé, en fait, l'utilisation qui était faite presque des rats de cellules, le terme utilisé. C'est pas gentil, ça. en anglais, c'est souvent celui-là. Et on s'est rendu compte que souvent, c'est pas toujours de mauvaise foi, là, mais à force de vouloir faire condamner quelqu'un, lorsqu'on se convainc quelqu'un coupable, ben, on cherche tous les moyens. Et les gens, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'un délateur de prison, jailhouse informant, ça c'est le mot plus, plus poli. Un genre d'informateur. Ouais, d'informateur de prison. Ces gens-là, il faut encadrer le recours à ces gens-là. Sinon, ça va créer des injustices parce que il y a toujours quelqu'un dans une prison qui est prêt à lever la main pour venir témoigner contre la personne. Ben si en fait c'est pour l'avantager à quelqu'un de vous que ce soit, pourquoi tu le fais pas, tu sais? Ben c'est ça. Il y a des gens qui moralement, ben ils feront pas ça. La plupart des gens, je dirais. Mais si on ouvre la porte ou on donne des avantages à des personnes, ben ce qu'il y a de pire dans la société, non, ben, ils vont lever la main et ils vont se présenter. Là, pis on en a fait la preuve dans cette histoire-là, dans l'affaire Morin, mais il y a eu de nombreux autres cas. Et puis, par la suite, par contre, je dirais même ici au Québec, le recours aux informateurs n'a pas diminué, loin de là. Aujourd'hui, c'est rendu presque... Vous voyez, on a même des appels maintenant à la délation ou des choses comme ça. On a la possibilité d'obtenir... on peut pas faire condamner quelqu'un... Lorsqu'il y a aussi des informateurs qui sont des informateurs anonymes. Et une personne va dire, ben, je vais vous dire que cette personne-là commet un crime, mais dites-lui pas que je vous l'ai dit. Okay? Ouais, c'est ça. parce que c'est mon ami. Ouais, ben, effectivement. Puis il y a un cas qui est tout récent de la Cour d'appel de Colombie-Britannique. Puis la Cour suprême, il a de refuser la permission d'en appeler. C'est un cas assez typique de ce genre d'informations-là. C'est que l'accusé puis sa femme. Ont une perquisition chez eux, ils ont de la drogue, ils font pousser du cannabis, et c'est une perquisition qui résulte... On peut pas faire condamner quelqu'un avec un informateur anonyme, évidemment, mais on peut obtenir des mandats de perquisition et aller fouiller des maisons. Okay. Donc, sur la foi de cet informateur anonyme-là, on fouille la maison, on accuse monsieur, madame, et puis dans le processus judiciaire, et ça arrive souvent que, monsieur décide de plaider coupable, un peu pour sauver madame, qui est sa femme, qui semble pas avoir trop participé à l'infraction, et madame lui dit même, si tu plaides coupable, ils vont retirer contre moi, puis tout ça, puis ça devient très important pour monsieur, donc il finit par plaider non coupable, plaider coupable, et il reçoit une sentence. Il se rend compte, il casse après ça avec sa femme, il y a une rupture et ils sont en procédure de divorce. Et à un moment donné, elle a un petit peu de remords et elle l'informe que c'était elle qui était l'informateur de police qui avait fait un chicane avec son mari et puis qu'elle c'est à cause d'elle que la perquisition avait eu lieu chez eux. Et puis ce qu'on apprend aussi, c'est que bon, on pour protéger son le fait qu'elle avait été la personne dénonciatrice, on l'avait aussi accusée, mais... En sachant très bien que les charges allaient tomber. C'est ça. Et elle, finalement, parce que les procureurs de la couronne offraient à monsieur de retirer contre sa femme, elle lui a mis un peu de pression, et puis finalement, elle retire l'accusation contre moi. Donc, ce qui est réalisé après son divorce, c'est qu'il n'y a plus de femme, il y a un dossier criminel. Il trouve ça un petit peu enrageant parce que il aurait peut-être pu tester de la preuve ou en tout cas, il aurait peut-être pu faire un procès, avoir su. C'est pas sa meilleure journée. Là. Hein? Et là, il y a une procédure pour retirer un plaidoyer de culpabilité. Et la cour d'appel, le premier juge ainsi que la cour d'appel et la cour suprême ultimement ont dit, ben écoutez, s'il aimait sa femme, la décision, il l'a pris pour les bonnes raisons et puis pour des raisons qui étaient légitimes à l'époque et on peut pas reprocher à sa femme d'avoir... mais là, je pense que, en tout cas, cette femme-là, je trouve ça un petit peu questionnable parce mais, que... Mais c'est ça, mais un délateur confidentiel qui... ça a le même poids que... Non, mais il y a eu une perquisition. OK, c'est suite à la perquisition. L'informateur confidentiel ne servait plus à rien au moment de porter l'accusation. Compte tenu que les policiers sont arrivés là, la personne était sur les lieux, ils ont trouvé les plants de cannabis. Donc, vous voyez, ça, c'était un peu un effet pervers là, de la délation. Et puis... Ça porte à questionnement. Ici, au Québec, on a eu un cas encore plus... un peu plus spectaculaire dans le cas des accusations qui concernent les Hells Angels à Montréal. Il y a un ancien Hells Angels qui, c'est l'émission Enquête qui en a fait... qui a diffusé ça dans les médias. Pour accuser, en fait, tous les Hells Angels au Québec, on a eu recours à un Hells Angels qui les a approchés. C'est quelqu'un qui avait été mis dehors, qui était en rupture, dans le fond, avec eux, qui aurait voulu demeurer un Hells Angels, mais que les Hells Angels ne voulaient plus de lui. Et un peu, il le dit, par vengeance et pour régler ses comptes avec eux et peut-être un petit peu pour pouvoir repartir en neuf et faire un petit peu d'argent. Il a commencé à négocier avec la police et ce que l'émission Enquête nous apprend... De façon anonyme, j'espère, dans ce cas-là, Il s'est tué assez rapidement. Oui, effectivement, mais c'est-à-dire... La police t'offre une certaine protection, ils peuvent changer son identité. Ils ont changé son identité. Dans son cas, lui, il demandait 10 millions de dollars et il voulait ne pas être accusé. Et il a fini par régler pour 3 millions. On a réglé pour 2,9 millions. On donne finalement 2,9 millions. L'État donne 2,9 millions à cette personne-là qui, lui... avoue avoir commis lui-même un meurtre. Oh. Avoue plusieurs infractions qui le concernent lui et qui, on se dit pourquoi il obtient tout ça et l'immunité en plus parce qu'on ne l'accuse de rien. Il donne au gouvernement, à la police, ce qu'il voulait, c'est-à-dire, eux voulaient accuser tous les Hells Angels au Québec, donc ils deviennent les témoins vedettes de leur de ce projet-là. Ça aussi, je vous dirais, moralement, je connais pas beaucoup de criminels qui peuvent obtenir 3 millions ou 2,5 millions. Sauf d'un crime que tu as commis, pour lesquels, en fait, tu veux accuser tes amis. Mm-hmm, mm-hmm. 2,9 millions, c'est quand même... c'est considérable. C'est un bon montant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... Et là, on parle de quel message que ça envoie aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que le crime ne paie pas? Engagez-vous, puis après ça, vous viendrez nous voir. Écoute, on va... Est-ce que ça envoie... justement, quelqu'un qui se dit, qui est jeune et qui se dit, est-ce que je vais devenir un criminel? Ben, il sait maintenant qu'il y aura peut-être cette possibilité de faire fortune en toute légalité. On lui a d'ailleurs laissé tout l'argent parce que il affirmait avoir trafiqué des stupéfiants à grande échelle. Tous les profits qu'il a obtenus, il peut les conserver. Ben, oui, habituellement, qui est saisi, non? Oui, normalement, ça doit être saisi. Bon, quelle est la légitimité de ça? Et dans les gens qui sont accusés à cause de lui, on accuse maintenant des gens qui n'ont commis aucun meurtre et qui n'ont fait aucun trafic, mais qui n'étaient que des membres des Hells Angels. Donc, il y a un sentiment de justice là, qui peut être un petit peu choquant. Et puis, on voit un autre cas de délation qui m'a... Et je pense que c'est l'émission Enquête également qui parlait de ça. Tous ces délateurs-là à qui on offre des nouvelles identités et puis à qui on fait même des opérations de chirurgie esthétique et bon, et nous, les avocats de défense, souvent, on prétend qu'il y a d'autres ententes qui ne sont... Il y a souvent un contrat qui est fait, un contrat écrit. Bon, pour cette personne-là, on dit 2,9 millions, nouvelle identité, tout ça. Mais il y a des gens qui sont parfois des prisonniers ou qui purgent des peines et on prétend souvent que on escamote les peines et que les gens sortent avant le moment auquel ils auraient droit à une libération conditionnelle. Et l'émission Enquête aussi avait fait un reportage là-dessus où on avait découvert que des gens sortaient après avoir purgé des portions un peu ridicules de leur peine parce qu'ils étaient devenus des délateurs. C'est évident que ces gens-là, un vrai délateur, c'est pas là pour la justice, c'est là pour essayer d'obtenir quelque chose. Ben, c'est ça. Un cas qui a été assez, je dirais même, tragique. Et je fais une petite parenthèse. On voit souvent... les médias qui tentent de retracer tous les abuseurs, les pédophiles qui peuvent exister au Canada, au Québec. Même le Journal de Montréal récemment... A fait une carte. Vous avez un pédophile près de chez vous et c'était une carte qui était fabriquée à partir des gens accusés. Donc, on regardait le numéro de l'article de loi. On regardait pas quel genre d'accusation ou quel genre de fait pouvait justifier ces accusations-là. On ne demandait pas si c'était vrai ou non, mais on a publié une carte avec... T'as vu ça, François? Oui, j'ai vu ça passer. Où on voyait toutes les personnes qui font l'objet d'accusations, qui sont même pas encore trouvées coupables. Avec leur nom? Non, on disait... T'as juste un point. On les nomme pas, mais on monte sur votre rue, vous savez qu'il y en a un. Et puis là, ça crée... moi, je trouve que ça crée une atmosphère. Je trouvais ça un peu odieux. De peur. Et puis toutes les... C'est quasiment pire de ne pas nommer la personne parce que là, on peut se méfier de tous ces n'importe voisins. Qui. Et on sait absolument pas s'est présenté comme étant des violeurs et des choses comme ça. Alors que ça peut être des cas de chicane dans des cas de divorce. Il y a des multitudes d'infractions où c'est jamais banal une agression sexuelle, mais lorsqu'on parle d'une agression sexuelle, ça peut être aussi des choses de gravité moindre, des gens qui faisaient de la boisson. Qu'est-ce qu'on imagine? M. Roson, là, qui était chaud, puis qui avait eu un geste déplacé envers quelqu'un. Écoutez, c'est pas un violeur en série, là, tu sais. Et puis, on fait ça. Mais d'un autre côté, les délateurs, qui sont des gens, des criminels souvent très dangereux, ces gens-là, on leur offre, le gouvernement leur offre, et ça, vous ne lirez pas ça dans le Journal de Montréal, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'on aime ça. On leur offre une nouvelle identité, on change leur visage. J'ai déjà vu aussi qu'ils avaient simulé une mort. Simulé Patrick Kane, je suppose. écoutez, simuler une mort, c'est une... opinion qui est minoritaire et qui n'a pas été retenue par les tribunaux. Ah, okay. Là, cette personne-là, supposément, s'est suicidée, qui était un délateur, d'ailleurs. Là. Mais il y a encore des gens qui croient que ça a été simulé. Mais un cas qui est connu, qui est documenté, c'est un monsieur qui s'appelait Michel Blass. Je ne sais pas si vous avez connu Richard Blass, qui était un des grands tueurs des années 60-70. Et Michel Blass était son frère. Il était lui aussi un grand tueur qui est devenu délateur. Et lui, dans les années... Il avait avoué, je pense, une douzaine de meurtres, là, puis il avait témoigné dans des procès contre ses complices. Sûrement très réhabilité, cette personne-là, on lui a donné une nouvelle identité. Il s'appelait maintenant Michel Simon et il demeurait dans un autre endroit. Et en mars 1997, un antiquaire de Montréal du nom de Étienne Terrien a été porté disparu. Et il avait quitté sa résidence pour aller rencontrer un dénommé Michel Simon. Et après, évidemment, après enquête, on s'est rendu compte que c'était... Et là, après la disparition de cette personne-là, on a offert une récompense à quiconque permettrait de retrouver cette personne-là. On a offert 10 000 $. Et Michel Simon s'est manifesté et a indiqué où était le corps. Et il a obtenu le 10 000 $. Et par la suite, on a réalisé que c'était bien Michel Blass qui était devenu un délateur, qui avait obtenu une nouvelle identité, qui était sous le nom qu'on lui avait donné. Imaginez cette personne-là qui fait affaire, il sait pas que c'est justement le Michel Blass, le fameux tueur. Et en plus, l'antiquaire a tenté de faire affaire avec lui pour quelque chose. Il s'est fait voler et tuer par Michel Simon. Et Michel Simon est allé collecter en 98 récompense avant de se faire arrêter finalement et d'être condamné pour ce meurtre-là. Il avait commis une douzaine de meurtres et lui-même, il avait avoué ces crimes-là. Il avait purgé une courte peine d'emprisonnement et on lui avait donné cette nouvelle identité-là. Et ça a causé la mort d'une autre personne. Wow! Questionnable! C'est ça le problème. En tout cas, c'est pas lorsqu'on présente dans les médias que la délation, encourage la délation. Non, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on voit dans les médias. À ça aussi. Puis, et le message qu'on envoie aussi dans les médias, c'est que si on n'a pas de délation, on n'a pas d'accusation. Donc, en fait, ils veulent te rentrer ça. Oui, il y a l'impôt qui incite à ça ou qui fait même de publicité pour dire, bon... Quel genre de société auquel ça conduit? Si vous parlez de ça à des Européens, des Français en particulier, un pays qui a été occupé dans le temps de la guerre, il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Les grands-parents des gens à qui vous allez parler ont connu ça. Ils n'auront sûrement pas la même opinion. Ils ne considéreront pas comme des héros des gens qui dénoncent... Ont commis des crimes. Des gens qui auraient commis des crimes qu'on peut qualifier de graves, comme le trafic de drogue ou des choses comme ça. Enfin. Eh bien... Hey, ça fait penser brun. Comme toujours. Oui. Ouais, merci beaucoup. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés. Recule dans un monde palpable. Sa poitrine est une sécurité. Le plaisir est une magie complète. Classe écrit, c'est tout l'équipe écriture, où est la spontanéité? retour, d'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Voici Michel Lebrun et Pania Salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin, Mathieu. De quel sujet on parle aujourd'hui? J'arrive d'un congrès. J'arrivais la semaine passée, fait que je... On va faire comme ça, j'ai pas changé. J'avais été à un congrès de formation d'avocats, et puis il y a plusieurs conférences qui étaient présentées, dont une qui m'a un petit peu intéressé, qui était faite par un juge qui parlait des questions d'éthique pour les avocats et qui a abordé, je dirais, la question que tous les avocats qui font mon métier se font poser pendant le temps des fêtes, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui apprend ce qu'on fait après le choc de défendre des gens qui sont accusés de crime. Comment vous faites pour défendre des gens lorsque vous savez qu'ils sont coupables? Est-ce que c'est pas contraire un peu à une forme d'éthique de défendre des gens malgré tout? Il y avait un article qui nous a été soumis dans une des conférences que j'ai trouvé très intéressant, qui parlait un peu de tout ce problème-là et qui disait à quel point, par exemple, dans la culture populaire, beaucoup de films sont faits un peu sur cette prémisse-là ou ce problème-là. En fait, c'est un problème qui vient, je dirais, instinctivement à l'esprit des gens. Et que les gens qui veulent dénigrer un peu mon métier, ben c'est facile. C'est souvent. Oui. J'ai même vu un jeu vidéo à un moment donné où les gens tiraient sur une. Il y avait une prise d'otage dans le palais de justice, puis un des personnages disait: j'espère que les otages ne sont que des avocats. Ah! C'est un vieux jeu vidéo des années 90. Et un film d'ailleurs, L'avocat du diable, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un film qui était avec Al Pacino, puis c'était un avocat qui, le film commence, puis c'était un très bon avocat, je pense que c'est Keanu Reeves qui faisait le rôle d'avocat, et puis pendant un procès où il défend quelqu'un qui est accusé de pédophilie, pendant le procès, il se rend compte à un moment donné que l'accusé... En fait, il voit les réactions de l'accusé pendant que la victime témoigne, puis il comprend de ce qui se passe avec le langage corporel de l'accusé que ce que la victime raconte, ça l'excite, donc qu'il semble être coupable. Ouais. Et puis, il y a un certain geste de dégoût, mais malgré tout, il poursuit comme un autobus qui ne peut t'arrêter. Ben oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, ce serait de la speedophilie. En plus, le jeu d'acteur est parfait. Ouais. Et puis, finalement, cet avocat-là continue son procès, il gagne le procès, l'individu est acquitté, et par la suite, il est repêché par un grand bureau d'avocats de New York, et on se rend compte, plus loin dans le film, que le directeur de ce bureau-là, qui le prend un peu, qui devient un peu son mentor, ben finalement, c'est son père qu'il connaissait pas, et son père, c'était finalement le diable. Donc, c'était Al Pacino qui jouait le rôle. Okay. Je l'ai pas vu venir à la fin. Non, c'est ça. Et quand il se révolte à la fin... un peu contre son père et tout ça, il réussit à revenir dans le temps, en tout cas, et il se retrouve dans sa position pendant le procès où il se rend compte que son client est coupable, et il se lève et il dit: c'est un coupable, et là, le film finit bien. Basé sur un fait vécu, ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc, la défense Lincoln, je sais pas si vous avez vu ce film-là aussi, oui. Qui était un film où l'accusé se rend compte à un moment donné, et son client lui dit, je vais pas vendre les punches, mais il se rend compte qu'il est obligé de continuer à défendre quelqu'un qui le dégoûte et tout ça. Bon. Tout ce problème-là, dans la conférence ou dans l'article que j'ai lu, était un peu abordé et on montait, en fait, dans le temps, dans l'histoire, ce qui a été à l'origine un peu des débats en cette matière-là. Puis on a remonté jusqu'à une cause qui en Angleterre, dans les années 1800, une cause de meurtre. C'était l'affaire Courvoisier. Et Courvoisier, c'est un beau nom, c'est un nom un peu français. Oui, ça fait français. Ça n'a pas rapport parce que c'est en anglais, mais c'était C'est un peu comme le jeu de clous, là, un genre de meurtre à la British. Le noble qui se fait assassiner, on le retrouve poignardé, et puis il y a des employés, j'allais dire des esclaves, mais c'est pas ça, mais c'est des serviteurs, le butler, un peu comme dans un clou, là, ouais, dans, avec la moutarde, puis avec le candlestick, avec le chandelier, et puis c'est vraiment un type de dossier comme celui-là, et on finit par accuser le butler, là, le terme français. Ouais, c'est quoi? Majordome. Oh, oui. Oui, ça, c'est pas possible. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Et puis, c'est fondé, l'arrestation, ben, c'est un peu politique, le dossier-là, parce que en fait, tous les nobles se sentent un peu... ont peur, là. Ils disent, si nos employés, nos serviteurs commencent à se révolter contre nous, tu sais, il y a un petit côté entre le peuple et les nobles et puis tout ça. Et il y a diverses personnes. La famille est très riche. La famille de celui qui est décédé est très riche. Donc, il offre une récompense à qui trouverait l'assassin. Et puis, un des témoins principaux du dossier, c'est une servante qui dit, ben, il m'a déjà dit, j'aimerais ça qu'il meure. Il est riche. Il semblait convoiter un peu ses biens. Puis tout ça. Puis, dans ce meurtre-là, il y a, c'est vraiment comme dans le clou ou dans les affaires un peu british, on a perdu l'argenterie. On sait que l'argenterie qui valait très cher a été volée et on la retrouve plus. Donc, lui, il se défend et c'est le procès du siècle dans ce temps-là, au 18e siècle. Ouais. Il y a eu O.J. dans le 20e, mais ça, c'est autre chose. Et puis, celui qui le défend aussi, c'est la star des avocats de l'époque. Et ça commençait, là, ce que j'apprends dans cet article-là, c'est que c'était le début où les avocats pouvaient interroger des témoins, un peu essayer de les mettre en contradiction, comme on voit aujourd'hui dans les procès. Et là, il y avait un avocat qui était un Irlandais, donc pas trop aimé des Anglais, qui était très flamboyant, qui était la star de son époque. Et celui qui représentait un peu la couronne à l'époque, et comme c'était la tradition, c'était quelqu'un qui était engagé par la famille. La famille de personnes qui étaient décédées, donc des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et c'est un avocat qui était un petit peu jaloux du succès de l'avocat de défense, justement, qui s'appelait Phillips. Et là, Phillips a fait un bon travail. Il est flamboyant un peu. Et puis, lorsque la servante témoigne, il la détruit complètement. Elle est tellement... il laisse entendre qu'elle a été achetée par la famille, qu'elle a fait ça pour avoir de l'argent. En fait, il utilise un peu, il questionne en fait les mobiles des témoins, comme on le fait là, beaucoup aujourd'hui. Et tout à coup, pendant le procès, arrive un témoin surprise. Et le témoin surprise, c'est une dame qui a une auberge à une certaine distance, qui n'est pas dans la même ville où le meurtre était survenu. Et cette femme-là arrive et l'avocat de la famille, là, de la victime, l'avocat de la couronne, dans le fond, lui demande si elle... de raconter son histoire. Elle dit, il y a quelqu'un qui est venu il y a quelques... à peu près à l'époque du meurtre et qui m'a laissé un paquet. Et le paquet est encore tout enveloppé et elle n'a jamais touché à ça. Et elle dit, il m'a demandé de lui garder ça jusqu'à temps que elle puisse... qu'il revienne chercher ça. Et puis... et là, coup de théâtre, elle identifie l'accusé comme étant la personne qui a apporté ce paquet-là. Puis là, ben, un geste un peu théâtral, comme on voit dans les films de procès. On ouvre le paquet et là, l'argenterie, bling, badang, oh. La preuve qui manquait. Et et là, encore une fois, l'avocat se lève et là, commence à contre-interroger cette dame-là. Laisse entendre que ces établissements, c'est des endroits mal famés, qu'elle fait ça pour faire plaisir à la police, qu'elle fait ça pour avoir la rançon, qu'il essaie de détruire sa crédibilité. Et il passe pour un bon avocat, mais malgré tout, le jury déclare son client coupable. Son client est finalement exécuté, et puis ça se termine un peu comme ça. Mais ce qui finit par ressortir, c'est que un peu plus tard, après l'exécution du client, on apprend que lorsque cette dame-là était rentrée dans la salle, l'accusé s'était retourné et avait dit à son avocat, « Cibole, je suis faite. » Parce que lorsqu'il avait vu la dame en question. Et là... C'est un peu une des premières fois. On dit, ben, qu'est-ce que quel monstre que cet avocat qui a, lorsque son client lui ça dit ça, bien, ouais. Il dit, il sait très bien qu'il essaie de discréditer des gens qui disent la vérité. La dame, la servante qui était La première personne qui l'avait contre-interrogée était rendue dans un institut psychiatrique tellement elle avait été détruite. Et puis, bon, je pense que, je sais pas, j'étais pas là, on n'a pas la transcription, mais... Donc, on dit quelle espèce de monstre que peut être cet avocat qui continue de défendre son client. Et là, il tente d'induire, dans le fond, là, par ses questions, il tente d'induire en erreur. Évidemment, il n'a pas fait témoigner son client, il n'a pas demandé à son client de se parjurer, mais il a quand même essayé de convaincre le jury de quelque chose qu'il savait. Mettre un doute dans la tête des... Il y a toutes ces nuances-là qui ressortent. Qu'est-ce qu'un avocat doit faire pendant le procès? Lui, il se défend un petit peu. Il dit que lui, tout le long du procès, premièrement, lorsqu'il défendait cet accusé-là, il dit qu'il le croyait. Il y avait d'autres témoins qui étaient des policiers qui disaient qu'ils avaient trouvé des gants tachés de sang à un endroit dans un coffre, je pense, qui appartenait à cet accusé-là. Et puis, il avait démontré que ce coffre-là avait été fouillé à plusieurs reprises avant que les policiers, entre le meurtre et le moment où les policiers disaient l'avoir trouvé. Donc, il avait fait un coup d'éclat pendant le procès avec cette affaire-là. Et lui, c'était suffisant pour le convaincre l'avocat que c'était tout un coup monté par la famille de la victime et que les policiers, pour avoir la rançon, pour avoir un peu d'argent de la famille. Il y avait une grosse somme, en tout cas pour l'époque, qui avait été offerte par la famille, était prêt à se parjurer ou à inventer des histoires. Donc lui, il s'était un peu convaincu de l'innocence de son client à cause des erreurs du fait qu'il mettait en doute là, les motivations de la police. Et au moment de contre-interroger la servante, entre autres, ben là, il se croyait sincère. Et... l'autre problème, lorsqu'il questionne un peu le travail des policiers puis tout ça, c'est un peu ce qui est arrivé dans la cause de O.J. Simpson. Je sais pas si vous aviez suivi ça ou si vous étiez. Si le gars ne fait pas, il faut que tu arrêtes. Ben, il y avait un avocat américain qui je trouvais que sa phrase était intéressante. Les gens se questionnent et on dit, ben, la plupart les preuves étaient assez accablantes contre O.J. Simpson. Mais à un certain moment donné, dans le procès, ils avaient prouvé que une tache de sang sur laquelle on dit qu'on retrouvait l'ADN de O.J. Simpson ne pouvait pas avoir été, pour des questions scientifiques, là, pouvait pas avoir cette forme-là. En fait, la tache, ça ressemblait plus à quelque chose qui avait été comme un peu planté avec genre un compte-goutte ou une affaire de main. Okay. Et puis, l'avocat disait, et ça a eu pour effet de discréditer beaucoup le travail des policiers qu'on disait qu'ils soupçonnaient fortement O.J. Simpson, et il y avait des très bonnes raisons de le soupçonner fortement, mais qu'il manquait peut-être d'éléments de preuve et qu'il semblait avoir voulu en ajouter pour convaincre le jury. Bon. Et puis là, l'expression de l'avocat disait, qui peut expliquer pourquoi le jury avait déclaré non coupable O.J. Simpson, et dit, si tu trouves une coquerelle dans un plat de pâte, tu continues pas à en manger jusqu'à temps que tu en trouves une deuxième. Donc, t'es porté à prendre le plat de pâte puis de le mettre aux poubelles au complet. Là. Bon, fait que l'avocat de Courvoisier était un peu sur C'est un avant-gardiste. C'est un esprit-là. Ouais, c'est un hipster de la loi. Ouais, c'est ça. Un lobster. C'est un mort. Et puis, il se disait... il s'est retrouvé quand même dans une situation où il était dénoncé dans les médias et tout ça. Une autre cause qui était un peu de ce type-là, qui arrive dans les années... fin des années 90, début des années 2000, c'est l'affaire Westerfield. C'est en Californie. Encore le coin d'O.J. Et puis... c'était quelqu'un qui était accusé d'un meurtre d'enfant. Et dans ce dossier-là, l'avocat de la défense a fait entendre un expert pour... Il y avait un accusé contre lequel il y avait une forte preuve circonstancielle, une preuve très accablante. Et l'avocat, dans ce dossier-là, fait entendre un expert qui dit que... vous savez, on analyse parfois, lorsqu'on fait une autopsie, on dit, bon, le décès remonte à telle heure, et l'expert de la défense dit, ça se peut pas, c'est à telle autre heure, et là, ça rendrait son client innocent parce qu'il y aurait un alibi à cette heure-là. Lorsque les parents de l'enfant témoignent, l'enfant qui est décédé, il les contre-interroge très lourdement sur leur mode de vie, parce que c'est des gens qui font des... des genres de partous, en tout cas. Il y a toutes sortes de parties dans leur maison. Donc, ils laissent entendre qu'ils sont de mauvaise vie et qu'autour d'eux, il y a des gens de mauvaise vie. Donc, ça peut être n'importe qui. Ils essaient de faire une association entre le type de vie que les parents ont et dans son esprit et la possibilité que quelqu'un dans leur entourage soit le meurtrier. Et encore là, ça fonctionne pas trop. Là, l'accusé est déclaré coupable. Et par la suite, on apprend que cet avocat-là, avant le procès, essayait de négocier avec les procureurs de la couronne, les procureurs de la poursuite, parce qu'il y a eu toute une période où l'enfant était disparu et on cherchait le corps. L'accusé a été même arrêté avant qu'on trouve le corps parce que la preuve était très forte contre lui. Mais il s'est mis à négocier avec les... C'est un peu morbide, mais il négociait avec les procureurs de la couronne en disant « Je peux peut-être avoir un allègement de peine si je vous aide à retrouver le cadavre. » Donc, si l'avocat faisait cette négociation-là, c'est sûrement parce qu'il savait où est-ce qu'il était le cadavre. Donc, il savait pertinemment bien que son client était coupable. Et c'est des cas assez extrêmes, là, je vous dirais, de comportement d'avocat. Puis là, j'attaque un peu, je mets en question un peu le métier que je fais, mais... T'es toi-même avocat. Ben oui, c'est ça. Mais c'est des cas où un avocat peut être confronté, dans le fond, avec plusieurs principes de moraux là, qui s'entrechoquent. C'est la façon... cette négociation-là était pour le moins morbide dans un crime aussi odieux que celui-là. Ouais. Et là, il y a toutes sortes d'écoles qui se sont développées autour de ça. Qu'est-ce qu'un avocat doit faire dans ces situations-là? Il peut partir, il peut laisser son client, il peut, s'il veut, démissionner de la cause, si on veut. Est-ce qu'il peut faire ça? Ça arrive souvent? Ben, oui, c'est ça, mais le timing de ça devient important. Puis il y a comme deux écoles. T'as l'école qui dit que l'avocat est un officier de justice, donc il doit rechercher la vérité et tout ça. Ouais. D'autres qui disent que l'avocat a des devoirs qui sont extrêmement envers son client. Et c'est très important de pouvoir... avoir confiance en son avocat lorsqu'on va se confier à lui. Et puis, le secret professionnel, exact. C'est très important et tout ça. Et il y a toutes sortes d'écoles qui sont... puis, après avoir lu cet article-là, je me disais, il faut quand même... c'est bien une valeur, puis c'est bien plate pour certains de nous causer dans certaines situations, mais il y a trop de risques à prendre des décisions à la place du client. Si moi, je décide que je ne crois pas mon client, puis je me dis, je te crois pas, je te ferai pas entendre, ou on peut être surpris. Là. On est la seule personne que la société désigne pour permettre à quelqu'un de s'exprimer devant la cour. Lorsqu'on voit que la preuve... en fait, on peut considérer notre rôle, et moi, je considère mon rôle plus comme... je suis pas le confesseur de mes clients, je suis plutôt la personne qui va leur dire, regarde, t'as une bonne cause ou t'as pas de cause. À la limite, ce que le client veut savoir, c'est pas si c'est bien ou si c'est mal ce qu'il a fait, ou il veut pas se confier comme si on était un prêtre ou un psychologue. Ils veulent savoir est-ce que je vais être condamné, puis qu'est-ce qui va m'arriver si je suis condamné. Et la plupart, il y a beaucoup de dossiers qui finissent avec des plaidoyers de culpabilité. Oui. On regarde la qualité de la preuve. Et si quelqu'un vient me voir, puis je dis, écoute, je pense que les preuves sont pas solides contre toi, c'est là que mon rôle se termine. Et si je deviens un peu, si je veux jouer au justicier ou je veux faire entrer mes valeurs morales dans le fait de défendre quelqu'un, je le défends plus. Là. Et puis, je pense que cette personne-là pourrait facilement se plaindre. Puis là, exemple, une des stratégies qui sont proposées aux avocats, c'est un peu celle à laquelle tu penses, à laquelle tu faisais référence, Mathieu, c'est de dire, tu peux arrêter de représenter un client. Puis je pense que si on est au début d'un dossier, par exemple, l'avocat qui négociait, on a comme les deux exemples dans les deux cas dont je t'ai parlé. L'avocat qui négocie bien avant le procès, quelque chose qui démontre clairement qu'il est au courant que son client est coupable, il est dans une drôle de position pour commencer le procès, puis essayer de convaincre un jury de quelque chose qu'il sait pertinemment être faux. Et puis je dirais même que par rapport au client, par rapport à la... et puis c'était un peu ça qui se passait, c'était un peu ça qui est un peu ridicule dans le film La Défense Lincoln, là, c'est que si l'accusé dit, écoute, je suis coupable, mais je vais te forcer à me défendre, ou tu vas continuer à me défendre, je sais pas quelle confiance ce client-là peut avoir envers son avocat. C'est pas nécessairement un bon acteur, l'avocat, il va pas nécessairement avoir l'air de penser non, ce qu'il dit. Puis qu'est-ce qu'il nous dit que s'il dit que donne-moi ton argent, puis je vais te représenter, qu'il va vraiment vouloir le faire acquitter, qu'il va tout faire pour le faire acquitter. Donc, si j'avais été dans une position comme celle-là ou de négocier quelque chose d'aussi un peu de morbide que ce qu'il tentait de faire, bien avant qu'on soit rendu au procès, ben là, si ça fonctionne pas, puis là, parce que le corps avait été finalement trouvé avant que les négociations aboutissent. Et je pourrais dire, ben écoute, là, prends-en un, puis tu lui diras ce que tu veux. Moi, je suis lié par un secret professionnel, mais est-ce que tu vas te sentir, si tu es condamné, est-ce que tu vas penser que j'ai tout fait pour toi? Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne idée de se retirer de bonne heure avant un procès. L'autre cas, le cas de Phillips, lui, il est peut-être courvoisier, là. Il est plus difficile parce que ça arrive au milieu du procès. Au milieu du procès, il arrive quelque chose qui dit, ben là, je le sais, puis. Là, c'est entamé, on a vraiment avancé les choses. Là, c'est de quitter le bateau, ce serait difficile. Ben, quitter le bateau, c'est déjà presque dénoncer ton client. Ouais. C'est presque. Ouais, c'est ça. C'est que. Je vais peut-être associer à ça, donc c'est qu'il est coupable, c'est ça? Ouais. Il y a des gens qui proposaient toutes sortes de stratégies aux avocats pour un peu se calmer la conscience. Par exemple, de laisser l'accusé compter son histoire, mais de ne pas lui poser de questions, de dire qu'est-ce que vous avez à dire. Ouais. Et là, de jamais intervenir et de ne pas défendre cette version-là une fois devant le jury. Sauf qu'encore là. Le message est ça paraît, il transparaît. Là, oui. Et puis, ça heurte un peu la valeur qui est peut-être ultime, qui est celle du secret. Là, oui. Parce que tu n'as pas à dénoncer ton client. Il y en a qui vont proposer l'autre extrême, c'est de dire, ben, on continue. Puis dans quoi tu t'embarquais en embarquant dans cette carrière-là. Donc, des fois, il va y avoir des gros inconvénients. Autant que le client savait dans quoi il s'embarquait en commettant un crime. Oui, parce que en fait, on a beaucoup... Et puis, il y a toute une série de raisons qui font qu'on va être parfaitement à l'aise de défendre des gens, sachant qu'ils sont coupables. Ouais. Dans des dossiers, on voit ça beaucoup dans des dossiers où ça résulte de perquisitions ou de des dossiers de drogue, entre autres, où les gens vont dire... ce qu'on va reprocher, c'est la façon dont la police est entrée chez vous, l'utilisation d'un mandat de perquisition qui peut être entaché, obtenu sous des fausses représentations. Donc, on passe pas beaucoup de temps à essayer de convaincre un juge que notre client, chez qui on a retrouvé des quantités qui peuvent être parfois importantes de drogue, d'argent, d'armes, peu importe... Il y a beaucoup de procès qui s'y commencent alors que tout le monde sait que l'accusé était en possession de ces choses-là, qui sera ultimement trouvé coupable si la poursuite réussit à mettre en preuve les éléments qu'elle a obtenus. Mais j'en ai parlé dans bien d'autres chroniques. Il y a toutes sortes de valeurs qui sont en cause. Par exemple, le droit d'être protégé contre l'intrusion de la police, d'avoir des caméras partout, d'avoir des gens qui rentrent ou qui fouillent dans vos effets personnels. Il y a toutes sortes de règles qui encadrent ça. Et ces règles-là, on pourrait effet de nous protéger et d'empêcher les policiers d'aller au bout de leur fantasme, parce que dans les pays où les policiers n'ont pas d'entrave, ben, c'est des dictatures, puis les gens ne peuvent pas penser ou ne peuvent pas s'opposer à quoi que ce soit, surtout pas à la police. Donc, dans cet angle-là, ça aussi, les avocats, on se dit, ben, on fait un travail qui est utile parce qu'on essaie de contenir un peu l'État ou l'envahissement de l'État. Et notre rôle, c'est souvent, dans le but qu'ils travaillent mieux, de critiquer. C'est positif ce qu'on fait, mais d'attirer l'attention du tribunal sur des erreurs ou des abus qui sont commis par les policiers. Donc, souvent, il y a des aveux qui sont obtenus de façon abusive aussi. Des fois, à l'époque, c'était souvent par la torture, par la violence et tout ça. Donc, on a attaqué de multiples façons les méthodes d'obtention d'aveux jusqu'à se dire que la question, c'est même pas de savoir est-ce que l'aveu est vrai ou n'est pas vrai, mais dans le but que les aveux soient obtenus d'une façon correcte, on attaque souvent la procédure d'obtention de ces aveux-là. Et souvent, il y a des dossiers qui ne reposent que sur ces aveux-là. Et lorsqu'ils sont écartés par les tribunaux, il y a des gens qui sont acquittés qui, dans le fond, ont peut-être commis certains crimes. Probablement. Oui, effectivement. Sans vouloir dénoncer personne. Non, c'est ça, on ne dira pas le mot. C'est ce qui termine cette édition d'Aucun outil requis. Un grand merci à chacun de nos chroniqueurs. Je vous rappelle que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est le jeudi de 14h à 18h, en rappel les samedis à midi et les dimanches à 10h. Visitez cfou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. De la part de François-Olivier Marchand, Mathieu Plante et toute l'équipe d'Assemblage requis, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine fois.